Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Évidemment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est bien fiers de la victoire des Saguenayens, mais du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, on est un peu déçus pour un des nôtres quand même. Gilles Bouchard, qui on rappelle souvent, qui vient de Normandin et qui affrontait les Saguenayens. Question de savoir un peu, à 48 heures, un petit peu moins de 48 heures de l'élimination de son équipe, comment il a digéré ça, on lui passe. Salut Gilles! Ouais, salut, ça va? Oui, ça va bien. Gilles... D'abord, ça fait un peu moins de 48 heures actuellement que les Huskies ont été éliminés. Comment tu prends ça? Bon, c'est sûr que c'est pas la plus belle situation. Puis on savait qu'on était en mesure de gagner cette série-là, mais on a connu des hauts et des bas. Puis finalement, on a perdu une avance de 3-1 dans le dernier match. Là, pas des petites erreurs que nous autres, on aurait pu contrôler, puis on nous a permis d'en venir dans ce match-là. OK. Gilles, on récapitule la série au complet, est-ce que c'était une bonne idée, puis ça, je veux pas que tu parles mal, mais c'était une bonne idée d'envoyer deux gardiens de but? Parce que moi, je connais pas personne qui a gagné avec deux gardiens de but une série. Ouais, mais tu sais, regarde ça, là, on n'a pas perdu la série à cause de Tremblay dans les deux derniers matchs. Là. Ouais. On a gagné 9-2 chez nous. On a perdu 4-3 en overtime. Tu sais, la ligne est mince. Si on avait gagné, personne n'aurait dit, ben là, tu m'aurais pas appelé aujourd'hui de me dire, hey, félicitations, avec deux gardiens, c'est vraiment à la fête, comprends-tu? Fait que nous autres, on est à l'aise avec ça. Ça fait jaser bien du monde. Puis, écoute, je pense que ça fait jaser pour rien. Nous autres, on est à l'aise avec les deux. Tremblay, c'est pas la raison de notre défaite du dernier match. Fait que c'est comme ça qu'on voit les choses de ce côté-là. OK. Est-ce que la défaite de 9-2, plutôt la victoire de 9-2 des Huskies, il a fallu que tu travailles fort pour peut-être ramener les gars sur terre où ils savaient déjà? Parce que, tu sais, 9-2, ils ne veulent pas, c'est inconscient, mais ça peut amener une équipe vraiment à avoir un excès de confiance. As-tu fallu que tu travailles fort pour ramener ça? Ben, c'est pas pour. Cette question-là est bizarre dans le sens que. Je sais qu'Yannick Jean a dit que il a dit qu'il fallait que ça allait être difficile pour nous autres de remotiver notre gang après une victoire de 9-2. Fait que c'est sûr qu'il voulait essayer d'enlever de la pression à son équipe, mais ça a été absolument très facile de revenir à la base. De tirer une équipe qui sont habitués de rester un, se préparer pour le game d'après. Et ça a vraiment eu zéro impact de gagner 9-2 la veille. Okay. Nos gars étaient prêts à jouer la game d'après, comme si on avait gagné la game d'avant 5-3 ou 5-2. Mm. Fait que c'est pour nous autres, là, c'était pas un élément de distraction pantoute. C'est pas ça qui a fait en sorte qu'on a perdu cette série-là dans le dernier match. OK. Le système 2-3-2, comment tu trouves ça? C'est sûr que quand l'équipe visiteuse gagne le premier match, c'est un avantage de la glace pas à peu près. Là. Est-ce que ça peut changer une série, ça? Bon, ça peut changer une série, c'est sûr et certain, mais tu sais, comment je pourrais dire ça? On est allé à Halifax, on a gagné deux games à Halifax, puis à Chicoutimi, on n'a pas été en mesure d'en gagner deux. T'sais, on n'a pas. Pour différentes raisons. Fait que c'est pas tout le temps le meilleur scénario, mais tu sais, je pense que pour sauver des coups et tout ça, dans l'ensemble, c'est quand même correct. Là. OK. Du côté du jeu de puissance, les Huskies ont eu des hauts et des bas. Est-ce que ça aurait pu faire une différence d'avoir un jeu de puissance un petit peu plus régulier? Oui, ça aurait pu faire une différence. Sauf que dans le dernier match, le seul jeu de puissance qu'on l'a eu, on l'a eu à 3 minutes de la dernière période. OK. Puis finalement, c'est là qu'on s'est fait marquer un but finalement, parce qu'on n'avait pas eu d'avantage numérique. T'sais, la veille, on avait marqué 4. Donc notre momentum, notre confiance était là. Mais c'est ça, quand t'arrives avec des points ici. Quand t'arrives que t'as des avantages numériques, des fois en fin de match, là, c'est des choses qui peuvent rouler des tours des fois. Là. OK. L'équipe était-tu bien? Souvent en série, on joue avec beaucoup de blessés. On disait que les Huskies étaient éclopés. Est-ce que dans l'ensemble, l'équipe était. Il y avait des joueurs qui jouaient éclopés pas mal aussi, ou c'était pas mal tout au revenu? On avait quelques autres joueurs qui étaient blessés. Là. OK. Il y en aurait peut-être eu un qui n'aurait pas joué si on avait été dans la saison. Mais c'est ça. C'est la vie en série. Tu payes le prix, puis c'est des choses qui sont normales. Puis ça, je suis coutumé de avoir des hens avec des bobos aussi. Ça m'a fait de le bon. Oui, oui, oui. Comment tu as trouvé ça jouer contre Chicoutimi? Avant les séries, on se parlait, puis on a dit ça va être spécial. Comment tu as trouvé ça? Parce que je veux pas, il y a beaucoup de liens, là. Ouais, tu vois ça le fun. Tu vois ça le fun, là. C'est sûr que. Comme je t'avais dit, c'est particulier, puis maintenant, c'est plate, on a perdu. Sauf que c'est partie remise la prochaine fois. On va essayer de faire mieux, puis. On va s'arranger pour gagner. Les Huskies, quel genre d'équipe que vous allez avoir l'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements ou ça va être. On perd beaucoup de joueurs, là, puis on va être en transition l'année prochaine. Là. OK. Sauf qu'on a des bons jeunes joueurs, fait que l'avenir est encore bon pour les Huskies, c'est très positif. OK. Ben Gilles, c'est plate pour toi. On va sûrement avoir le plaisir de se reparler cet été ou plus tard au camp d'entraînement, puis on continue à te suivre pareil. C'est bon, il n'y a pas de trouble. L'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda et natif de Normandin, Gilles Bouchard.